poker, il y a des jours, c'est la gagne. Et des nuits où, ils un loser, on me donne dans les cartes. Mon fric est sur le tapis, je n'ai pas toutes les cartes en main. Ce n'est pas mon jour, ce n'est pas ma nuit, oh yeah. Bien des jours, c'est la gagne. Et des nuits, on est un loser. La main sur le lanceur, en sueur, je lance la balle. On s'éclate toute une soirée. J'ai ma vie en main sans penser au lendemain. Oh yeah! Sa vie comme on place, place son fric à la bourse. Bien des jours, c'est la gagne. Et des nuits où on est un loser. J'ai placé tout mon fric. Et du jour au lendemain, j'ai tout perdu en une seule nuit. Je suis vraiment, vraiment un loser. Oh yeah!